suis indécis, but imprécis, c'est mon récit, apprécie. Ne me dis pas merci, même si ceci est intense comme des pleins phares, effarés, accaparés par le cafard. Bluffé, c'est pas la teuf fait, constate ce qu'on fait, stupéfait par le mal et ses effets. Compenser la frustration des électeurs, plus téléphage que lecteur. J'ai choisi ce vecteur, ma vie un facteur de rime collector. Le rap l'échappement et moi le collecteur, tel avec un convecteur chaud dans le secteur. Dérapage de voiture, menace sans inspecteur. Salarié du prolétariat, tu t'accroches mais t'es rien. Fini comme un paria, à paria, tout pour réussir mais en somme rien. Remarque le paradoxe du diplôme et vaut rien. Trop de racisme, d'ostracisme me subissant, tu n'imagines ni illiste. J'arrive avec mon info, défier l'intox. Ceux qui shootaient les camés désormais viscèrent les tox. Le monde nous lacère, qu'on se demande la volonté de vivre. À quoi ça sert la poisse? C'est une conséquence de la misère. Et ouais, frère, oublie le ski au Val d'Isère, planning désert. On gît toujours où on gisait, avec le but qu'on visait, l'opinel qu'on aiguisait. Zigzag en guise de finalité, alité par l'impitoyable réalité. L'écho jaillit depuis le début de l'histoire, telle une ombre suspecte derrière moi le soir. La vie à l'art et la manière de me décevoir, c'est jouer au flou mais je veux voir clair dans le noir. L'écho jaillit depuis le début de l'histoire, telle une ombre suspecte derrière moi le soir. La vie à l'art et la manière de me décevoir, c'est jouer au flou mais je veux voir clair dans le noir. Y'a une optique comme avec des lentilles concave ou convexe. Je pense pas être un con ni un cave mais plutôt complexe. Sur ce texte je m'exprime, qui veut me supprimer, je trim. Crible mon cerveau dream, je rame jusqu'à la rive. Les fans crient, il arrive. Je décris l'existence sur modeste feuille blanche des hanches. Toi, ma fille, tu donnes envie de vivre. J'en chéris mon rap m'entoure de personnes franches. J'ai pas la frange, mais l'étrange. Boule à zéro, simple héros. Messager, pas comme au ciné, l'héros. Au bout du rouleau, qui l'ouvrira, qui se taira. Noyé dans l'austère, lieu infesté de rats, etc. Y'en a qui se gavent plein pour au moins deux jours. Quand d'autres se plaignent de ne pas avoir mangé depuis deux jours. Ma carrière est comme la technologie, mais d'abord de la vie des parents, une idéologie. Incarner le mal sans son intention, par l'image d'un quartier, par une pigmentation. Et ce léger, j'ai même du mal à épeler mes mots. Mes mots rêvent grave d'être gravés dans ta mémo. L'écho jaillit depuis le début de l'histoire, telle une ombre suspecte derrière moi le soir. La vie à l'art et la manière de me décevoir, c'est jouer au flou mais je veux voir clair dans le noir. L'écho jaillit depuis le début de l'histoire, telle une ombre suspecte derrière moi le soir. La vie à l'art et la manière de me décevoir, c'est trop flou mais je me vois clair dans le noir. L'écho jaillit depuis le début de l'histoire, telle une ombre suspecte derrière moi le soir. La vie à l'art et la manière de me décevoir, c'est trop flou mais je me vois clair dans le noir.